quelqu'un qui m'en veut. Pourtant, quand je t'embrasse, j'y mets ce que je peux. À trop vouloir voir du bleu. Quel dommage, quand j'y pense, j'aurais pu être heureux. Des pierres qui font du feu. Au profond des silences, j'entends tout ce que je veux. Avec ce feu, j'étais trop con, trop audacieux. Je regrette l'instant présent, c'était trop dangereux. Des mots qui sonnent creux. Alors, quand tu t'en vas, je m'abandonne. J'y ai caché mes pierres précieuses. D'avoir perdu tout ça, si tu savais comme je m'en veux. Pour deux. J'ai joué avec les yeux.